s'ouvre, entends-tu ce cri? Les anges chantent, la nuit s'enfuit. Le roi s'avance, vêtu de lumière. Il vient juger la terre entière. Jésus revient. Prépare-toi, Jésus revient. Il revient avec gloire, alléluia. Les ténèbres s'inclinent devant le roi. Son église l'attend, le cœur brûlant. Prépare-toi, Jésus revient. Les trompettes sonne dans l'univers, les anges chantent, la fin est claire, les tombes s'ouvrent, la mort s'efface, victoire éclate, voici sa grâce. Jésus revient. Il revient.